Chapitre 3e, Lady Desmond. La traversée devait s'achever le plus tranquillement du monde et sans qu'il fût possible à Charlie Mitchell, malgré les actives recherches auxquelles il se livrait, avec son flair de limier, de percer l'énigme qui le tracassait. Il avait espéré que le vent du large lui viendrait en aide et ferait voler sous son souffle puissant les cheveux bouclés du marquis quand celui-ci longeait le pont promenade ou s'accoudait au bastingage codé de Liliane. Mais par un curieux hasard, Santonelli, que jusque-là on avait sans cesse vu se promener nu-tête, portait toujours maintenant une casquette de voyage qui faisait très sport. Désappointé de ce côté, Mitchell ne voulut point se tenir pour battu. Peut-être bien qu'en fouillant les bagages du marquis, il saurait découvrir quelque chose d'intéressant, et profitant de ce que Luciano faisait sa partie de bridge habituelle, il s'était subrepticement glissé dans sa cabine comme un cambrioleur professionnel et au moyen d'un trousseau de rossignol avait procédé à une visite méticuleuse de ses valises et malles de cabine. Il y avait là du très beau linge à profusion et toute une élégante garde-robe à rendre un dandy vraiment jaloux, quelques bijoux d'homme, une somme d'argent assez forte, mais aucun papier d'une nature quelconque. Le colonel remit tout bien soigneusement en ordre, comme il l'avait trouvé, et les bagages scrupuleusement fermés, il devenait impossible au marquis de soupçonner la fouille opérée dans sa cabine. Ici, Mitchell se montra profondément déçu. Il était persuadé que si Santonelli était l'auteur du vol de Berkeley Square, le gros de son butin, les joyaux de très grande valeur dont, pour une raison ou pour une autre, il avait renoncé à se défaire en Amérique, devait inévitablement se trouver en sa possession. Or, le calcul du colonel péchait par sa base, puisque les bijoux de Lady Desmond, ceux qui avaient un prix inestimable, n'étaient point dans ses bagages. Puis, il songea que, les enfermant peut-être dans une cassette, il avait confié celle-ci en dépôt au commissaire du bord. Il était difficile de s'en assurer autrement qu'en révélant à ce dernier qui il était et la mission dont il avait été chargé par Lady Desmond. Il fallait aussi dévoiler les soupçons que lui inspirait le marquis italien. Bon, après tout, un commissaire de bord, par la nature même de ses fonctions, est fréquemment le confident des passagers et de ce fait même tenu au secret professionnel. Mitchell se décida donc à lui exposer le cas très curieux qui se présentait, en insistant sur la nécessité absolue de ne point divulguer l'affaire. Mais de ce côté, encore une nouvelle déception l'attendait. Le commissaire du bord l'avait laissé parler sans l'interrompre, puis, avec une moue un peu dédaigneuse, à l'adresse du policier sans doute, lui déclara sèchement n'avoir reçu aucun dépôt du marquis Santonelli. Cette fois, le colonel était complètement désorienté, la piste effacée devant le limier. Il lui fallait en arriver à reconnaître que le soupirant de Liliane était un parfait gentleman au-dessus de tout soupçon et que seule la coïncidence d'un semblant de cicatrice à peine aperçue et un geste machinal de la main avait pu incriminer dans son esprit. Et pourtant non. Le colonel se refusait à penser qu'il avait pu aussi grossièrement se tromper. L'échec des investigations auxquelles il s'était livré ne parvenait pas à le convaincre qu'il avait fait fausse route. Il n'abandonnait pas la partie qui, pour l'instant, se trouvait simplement remise. Au surplus, le Berengaria arrivait à destination et il est de si bonne compagnie qu'ils ne doivent un jour se quitter. John Dudley se proposait de ne faire qu'un court séjour au Havre avec sa fille et le marquis avant de gagner la Riviera italienne par les voies les plus rapides. On se sépara donc, car il tardait au colonel Mitchell de rentrer à Paris reprendre sa véritable personnalité de Ned Bjork. Alors ce voyage de l'autre côté de la mare au Haran, demanda Romain Farrel, en servant dans deux grands verres de whisky bien tassé additionné de soda water. Ned Bjork but une large gorgée et prit le temps de bourrer sa courte pipe de bruyère, puis de l'allumer avant de répondre « Oh, un demi-succès, my dear fellow, mais j'espère bien prendre ma revanche. » Le vieux détective, dès son retour à Paris dans son rez-de-chaussée de la rue de la Boétie, qu'il partageait avec son ami, avait pris un repos complet de près de 24 heures avant de mettre Farrel au courant des péripéties de son voyage aux États-Unis. Ils avaient déjeuné en tête-à-tête, comme c'était leur habitude, et se délectant maintenant de sa boisson favorite, Bjork aborda le sujet qui tous deux les intéressait. Son récit fut long, car il ne négligeait aucun détail, et Farrel, vivement intéressé, n'en perdait pas un mot. « Voilà qui est bien étrange, » fit-il enfin, quand son vieux maître eut terminé. « Et vous avez la conviction que ce marquis italien est l'auteur du vol de Berkeley Square ? Je n'en doute pas un seul instant. Alors pourquoi avoir hésité à le faire arrêter ? Vous parlez comme un enfant, Romain, déclara le vieux limier. Je n'avais qu'une preuve contre lui. Il fallut le confronter avec le fourg de New York, et nous étions alors en mer, à destination du Havre. Il n'avait en outre aucun des bijoux de Lady Desmond dans sa possession. Ainsi que j'ai pu m'en assurer, je vous l'ai dit. Alors sur quoi me baser pour faire mettre la main au collet d'un gentleman que le milliardaire tient en grande estime au point de vouloir le voir devenir son gendre? En agissant comme vous le dites, je risquais de faire un pas de clerc qui eût pu me causer de sérieux préjudices. En pareil cas, il ne faut s'aventurer qu'à bon escient. Mais Luciano Santinelli ne perdra rien pour attendre. Je sais où le retrouver sans courir, et c'est bien le diable si je ne parviens pas à le démasquer. Ils en étaient là de leur entretien quand le timbre résonna à la porte d'entrée. « Qui donc peut venir nous déranger ?» s'étonna Bjork. « Voyez donc, Romain, je vous prie. » Il y eut un bref colloque dans l'antichambre, un rire perlé fusa, et la porte du bureau de Bjork s'ouvrit, livrant passage à une jeune femme d'allure bien décidée et dont la mise, d'une élégance recherchée, dénotait une personne de marque. « Lady Desmond !» s'étonna Bjork qui se levait pour aller au-devant d'elle et lui avançait un fauteuil. « Oui, c'est moi, » fit-elle avec un délicieux sourire qui errait sur ses lèvres. « Je suis de passage à Paris, me rendant aux eaux de Karlsruhe, et à tout hasard, ne sachant pas que vous étiez de retour, je suis venu demander de vos nouvelles à M. Farrell. » Lady Desmond, qui avait dépassé la trentaine de quelques années seulement, était réputée comme l'une des plus jolies femmes de la haute gentry du Royaume-Uni. Mariée à un diplomate de carrière, elle formait avec son mari un de ces ménages du monde officiel où l'étiquette est de rigueur. Disons tout de suite, cependant, qu'entre deux missions ou pendant les congés très prolongés de Lord Desmond, le couple aristocratique était tout autre. On recevait beaucoup, autant à la résidence londonienne de Berkeley Square pendant la season qu'à Turnwell Manor en Écosse à l'époque des chasses. Lady Desmond, après s'être excusée de l'inattendu de sa visite, alluma une cigarette qu'elle venait de prendre dans un élégant étui d'argent et poursuivit. « Quand donc êtes-vous revenu ? Il y a longtemps ? 2 jours à peine. J'ai débarqué au Havre avant-hier. »« Au Havre ? » s'exclama l'anglaise. Mais alors vous étiez sur le Berengaria, sans doute ? » Bjork, sans hésiter, répondit dans l'affirmative. « Tiens, » fit-elle étonnée, « je n'ai pas vu votre nom dans la liste des arrivées que publie le New York Herald. »« Il n'y a rien là qui doit vous surprendre, milady. J'avais pris passage sous un nom d'emprunt, ayant de bonnes raisons pour cela. »« Il faut toujours se méfier. »« Oui, oui, je comprends. Mais dites-moi, puisque vous étiez à bord du Berengaria, vous avez certainement dû voir un de nos amis dont j'ai justement relevé le nom sur la liste donnée par le journal américain de Paris. Peut-être bien, qui donc est-ce ? Un Italien, le marquis Luciano Santinelli. » Le vieux policier sembla réfléchir un instant, mais il venait en réalité d'échanger un rapide coup d'œil avec Romain Farrell, tandis que Lady Desmond détournait la tête pour déposer dans un cendrier sa cigarette à demi consumée. Sans que son interlocutrice pût soupçonner les pensées qui assigeaient son esprit, il répondit, ne paraissant y attacher aucune importance, « Oui, en effet, mais peut-être ne l'aurais jamais connu sans mon vieil ami Dudley, l'un des magnats des conserves alimentaires. »« Le richissime John Dudley ?» interrompit l'anglaise. « Lui-même, milady, il m'a présenté le marquis Santinelli, comme devant être, éventuellement, son futur gendre, le mari de sa charmante fille, Liliane. » Lady Desmond esquissa un geste de surprise. « Que m'apprenez-vous là, Bjork ? Santinelli serait allé faire la chasse à la riche héritière au pays des dollars ?» Il y eut un silence, puis Bjork se récria. « Je ne me hasarderai pas à vous certifier que c'était là le but de ces divers séjours en Yankeeland. Mais il y a une promesse de mariage à ce que je vois entre le marquis et Miss Dudley. Je n'ai rien dit de semblable, milady. J'ai simplement parlé d'une vague éventualité. Le fait est que le milliardaire s'est entiché de ce noble italien et serait aux anges de voir sa fille devenir marquise. Il est loin d'en être de même toutefois de la petite qui n'éprouve pour lui qu'une affection très limitée et tient tête à son papa. » Lady Desmond eut un sourire ironique pour s'écrier. « Voyez-vous cela ? Que se croit-elle donc pour faire fille d'un marquis ? Je vois avec plaisir que vous savez hautement prendre la défense de vos amis, » risqua Bjork doucement. Et comme il la fixait avec persistance du regard, il put remarquer que son visage rosissait très légèrement. Une étrange pensée lui traversa l'esprit et sans doute l'anglaise l'avait-elle devinée car aussitôt elle déclara « Luciano Santinelli nous a toujours été très sympathique à mon mari comme à moi. C'est un gentleman rassé que nous prisons beaucoup. Vous savez en outre que je m'occupe un peu de peinture, et je trouve cette tête de transtévérin qu'a le marquis des plus caractéristiques. Voilà tout le secret de nos excellentes relations avec lui. Je dois reconnaître, convint le vieux policier, qu'il a un beau type de mâle. Il est fâcheux cependant qu'une cicatrice dépare un peu son front. « Oui, je sais, la suite d'un accident d'auto. Mais cela ne se voit guère sous les boucles noires qu'il s'est disposé avec art. Vous l'avez donc remarqué, cette cicatrice ?»« Rien ne nous échappe à nous autres policiers, » ironisa Bjork. « Vous ne l'ignorez pas, milady. »« Sauf mes bijoux, » raya-t-elle sans y mettre de malice. « Mes bijoux et celui qui me les a dérobés. » « Permettez-moi de vous dire, chère madame, qu'en cela vous faites une légère erreur. » Il ouvrit un tiroir de son bureau, en retira un petit paquet soigneusement enveloppé, dénoua la ficelle qui le liait, et étala sur la tablette du bureau les bijoux qu'il rapportait de New York. Lady Desmond ouvrit des yeux grands de surprise et demeura un instant sidérée. Et tout de suite, le vieux limier la renseigna. « Ceci n'est qu'un premier lot de vos joyaux, et les moins importants, malheureusement. Mais tranquillisez-vous, milady, chaque chose en son temps. » Je vous ferai recouvrer vos deux colliers de perles, vos trois rivières de diamants, vos solitaires, votre diadème, présent du Maharaja de Mysore, et vos bracelets de toute beauté. Je m'y engage formellement, et ce n'est pas en l'air que je vous fais cette promesse. Vous êtes donc sur la bonne piste? J'en suis certain maintenant. Le premier résultat d'ailleurs est assez satisfaisant, je pense, et présage bien de l'avenir. Néanmoins, cela demandera du temps, et je vous prierai de patienter encore. Mais m'expliquerez-vous enfin, Bjork, comment? Vous m'excuserez, milady, mais il m'est impossible de vous dire quoi que ce soit. Le succès de la tâche à laquelle je me suis attaché en dépend. Aussi comprenez-vous aisément que je tienne à garder le silence. Immovoler, savez-vous qui il est? Le retrouverez-vous? J'espère avoir le plaisir de lui mettre moi-même la main au collet, et ce sera pour moi une joie ineffable d'avoir réussi là où la police britannique a piteusement échoué. Leur théorie de voleurs internationaux était erronée. J'ai été dans le vrai. C'est un seul homme qui a fait le coup et un as du vol. Et ce prodigieux gangster, c'est... Bjork eut un amusant geste de reproche, la menaçant du doigt, puis avec ironie répliqua. Non, Lady Desmond, vous ne me prendrez pas en défaut. Je ne parle que lorsque je le veux bien, et le nom de votre voleur, vous ne le saurez qu'en temps utile. Quel homme terrible vous faites, se prit-elle à rire, tandis qu'elle se levait, après avoir glissé ses bijoux dans son sac à main. En tout cas, Bjork, ajouta-t-elle, en lui tendant la main, je ne puis que vous féliciter de ce premier succès, et je suis heureuse de vous le dire, tant en mon nom qu'en celui de Lord Desmond. » Le vieux policier, avec une grâce parfaite qui ne lui était guère coutumière, tint à reconduire lui-même jusqu'à la porte en s'inclinant galamment la grande dame dont les compliments mérités l'avaient flatté. Et comme il revenait à son fauteuil, Farrell s'exclama. « Ah, maître, vous êtes réellement extraordinaire. En quoi donc, je vous prie ?»« Comment en quoi ?» Mais en ce que cette brave Lady Desmond vient, grâce à votre astuce, de confirmer sans s'en douter vos soupçons sur le marquis. Bjork eut un sourire énigmatique et dut reconnaître. Oui, je crois que cette fois, il n'y a plus de doute sur le voleur de Berkeley Square. Mais nous ne le tenons pas encore. Sans en dire davantage, il prit l'appareil téléphonique placé sur son bureau et demanda le bureau de renseignement de la gare de Lyon. Allô, allô, fit-il quand il eut la communication. Pourriez-vous me dire, je vous prie, si vous avez des places retenues au nom de John Dudley de New York pour ce soir au rapide de la Côte d'Azur? La réponse se fit un peu attendre. On consultait les registres de location. Elle arriva enfin. Monsieur Dudley de New York avait bien retenu 3 places pour lui, sa fille et un ami, mais c'était au rapide du surlendemain soir, jeudi, à destination de Nice. Bjork remercia, raccrocha le récepteur et, se tournant vers Romain Farrell, eut ces simples mots prononcés avec le plus grand calme. « Faites votre valise, mon ami. Je vais boucler la mienne moi aussi. Nous partons ce soir même pour Nice. »